pas d'histoire à te faire croire et pas de passé à faire valoir. Aucun récit qui me précède. Depuis l'anonymat confortable de ma vie que je trouve minable, je t'observe, tu m'obsèdes. Assis au pied de ton étal, où ce marchand de désespoir, je me bâtis une vie bancale, pleine de rêves, à l'ombre des croix de tes choix. Derrière l'histoire, ta vie gâchée, derrière l'histoire, ton cœur sacrifié, derrière l'histoire. Aucun sourire, pas un frisson, n'allume ton soir vos allusions, années futures, éternelles. Mais que retiendrons-nous de vous qui trônez sur un contemplons-nous, pauvres fous, fragile mémoire de cristal, de cristal. Derrière l'histoire, ta vie cachée, derrière l'histoire, ton cœur sacrifié, derrière l'histoire, des fleurs fanées, derrière l'histoire. Derrière.